Comme nous venons de le voir avec « navegar », « navegable », vous pouvez aussi créer des mots se terminant par « ible » ou « able » à partir de verbes. Laissez-moi vous expliquer cela. Comme nous l'avons déjà vu dans les méthodes précédentes, il existe en espagnol trois types de verbes que je préfère classer en deux grandes catégories. Ceux qui se terminent par « ar » et les autres. Donc, pour retrouver des mots en « able » à partir de verbes se terminant par « ar », enlevez les lettres « a »,« r » et mettez à la place « a », « b », « l », « e », « able ». De la même façon, pour les autres verbes, ceux se terminant par « er » et « ir », enlevez les lettres « ir » ou « er » et mettez à la place « ible », « i », « b », « l », « e ». Cette petite astuce fonctionne dans la plupart des cas. Et si un jour ça ne marche pas, votre interlocuteur vous remettra sur le droit chemin, sûrement d'ailleurs avec un petit sourire aux lèvres face à votre créativité. Allons-y. Si « desear » D-E-S-E-A-R signifie « souhaiter »,« désirer », alors « souhaitable », « désirable » se dit « deseable ». À votre tour maintenant. Si « supporter » se dit « soportar », S-O-P-O-R-T-A-R, alors « supportable » se dira effectivement. « Supportable » se dit « soportable ». Maintenant, si « actuel » se dit « actual », A-C-T-U-A-L, et « tolérer »,« tolérar », T-O-L-E-R-A-R, comment direz-vous ? La situation actuelle n'est pas tolérable. La situation actuelle no es tolérable. La situation actuelle no es tolérable. Maintenant, si condamner se dit condenar avec un E, condenar, C-O-N-D-E-N-A-R, condamnable se dira alors condenable. Condenable. Et si modifier se dit modificar, M-O-D-I-F-I-C-A-R, alors modifiable sera bien, modificable. Que signifie alors es modificable? Bien sûr, es modificable signifie c'est modifiable. Maintenant que vous savez que souhaitable est deseable, comment direz-vous? Il est souhaitable que ton frère prenne ses médicaments. Frère se dit hermano, H-E-R-M-A-N-O. D'ailleurs, sœur se dit hermana, et frère et sœur, hermanos. Vous retrouverez les mots pour les membres de la famille dans les glossaires qui se trouvent dans les livrets accompagnant cette méthode. Ces mots sont des bonus qui viennent compléter les thèmes introduits dans les enregistrements. Il y aura par exemple les mois de l'année que nous ne pouvons pas aborder avec vous ici, faute de temps. N'hésitez pas toutefois à utiliser ces mots dans les exemples que vous créerez vous-même. Bon, revenons à notre phrase. Frère se dit hermano. Ce, este, E-S-T-E. Et médicament, medicamento, M-E-D-I-C-A-M-E-N-T-O. Comment diriez-vous alors? Il est souhaitable que ton frère prenne ce médicament. Faites attention ici. On exprime un souhait et non quelque chose de certain. Voici la phrase de nouveau. Il est souhaitable que ton frère prenne ce médicament. Es deseable que tu hermano tome este medicamento. Es deseable que tu hermano tome este medicamento. Avez-vous pensé à utiliser le temps servant à exprimer quelque chose de non réel, le subjonctif et donc à changer des terminaisons? Les doutes, émotions, souhaits, espoirs, craintes vous feront toujours utiliser ce temps. Tout ce qui est subjectif, en somme, vous fera utiliser le subjonctif. Maintenant que vous avez cela en tête, comment direz-vous en utilisant triste, T-R-I-S-T-E pour triste? C'est triste que mon frère ne puisse pas venir ce soir. Es triste que mi hermano no pueda venir esta noche. Es triste que mi hermano no pueda venir esta noche. En français, après le verbe espérer, on emploie du futur. Mais en espagnol, on utilise du subjonctif. Comment diriez-vous alors? J'espère que ma sœur pourra venir ce soir. Bien, redites la phrase à nouveau. J'espère que ma sœur pourra venir ce soir. Espero que mi hermana pueda venir esta noche. Espero que mi hermana pueda venir esta noche. Lorsque l'on exprime un espoir, on emploie toujours du subjonctif en espagnol.